بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم a dit faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre et celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. فقوله من هنا من في الأرض يدل على العموم. Et donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam من في الأرض, à ceux qui sont sur la terre, c'est une parole qui est générale. Ceux qui sont sur la terre, musulmans, non-musulmans, ou autres. ولكن قد يظن الظن أن هذه الرحمة أو أن الأمر بالرحمة هنا لا يتجاوز بني آدم. Cependant, il se peut que certaines personnes pensent que la miséricorde, ou du moins, excusez-moi, que l'ordre de miséricorde ici ne dépasse pas les enfants d'Adam, de Adam. C'est-à-dire ne dépasse pas les êtres humains. On se fait miséricorde entre nous, entre êtres humains. Par contre, tous ceux qui ne font pas partie des êtres humains, il n'était pas ordonné de leur faire miséricorde. وَهَذَا خَطَى. Et cela est une erreur. Notre législation est complète. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق اشتد به الحر والعطش. البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil selon Abi Huraira رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit alors qu'un homme marchait sur une route et suivant un trajet durant lequel il a été touché par une forte soif, l'atosh, à cause de la chaleur. Il a trouvé un puits, il est donc descendu dans ce puits. Il a donc bu. Puis il est sorti de ce puits. فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة الجوع أو من شدة العطش. Et lorsqu'il est sorti du puits, il a trouvé un chien qui respirait avec difficulté, qui mangeait la terre, tellement il avait soif. فقال قد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغ مني. Il a dit certes, ce chien a été touché par la soif, par la même soif qui m'a touché auparavant. فنزل فملأ خفه وامسكه بفيه ثم رقيا. Alors il est descendu, il est redescendu dans le puits. Il a rempli son chausson d'eau et il l'a tenu par sa bouche pour pouvoir remonter. Et il est remonté, fait ça quand le calme. Alors il a donné, il a abreuvé le chien. Fait shakarallahu lahu, fait rafarallahu. Alors Allah, il l'a remercié et il lui a pardonné ses péchés. Wa fi riwaya inda al-Bukhari, adkhalahu al-jannah. Dans une narration rapportée par Al-Bukhari, il l'a fait rentrer au paradis. وأيضا روى البخاري ومسلم هذه القصة عن امرأة بغي. Al-Bukhari et Muslim ont aussi rapporté cette histoire, mais d'une femme prostituée. فسقط الكلب. Elle a aussi abreuvé le chien. فَغَفَرَ اللَّهُ لَهَا. Alors Allah lui a pardonné. تَأَمَّلُوا يَا إِخْوَى فِي هَذَا الذَّنْبِ الْعَظِيمِ هَذِهِ الْمَرْأَ الْبَغِيِّ هَذَا مِنَ الْكَبَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ التي لا بد لها من توبة ومع ذلك الله تبارك وتعالى غفر لها بسبب رحمتها بهذا الكلب الذي هو من أقل الحيوانات قدرا. Méditez, oh mes frères, sur cette situation. Cette femme prostituée qui accomplit ce péché qui fait partie des grands péchés, des péchés qui nécessitent obligatoirement repentir. Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a pardonné ce grand péché à cause de grâce à la miséricorde qu'elle a eue pour cet animal, pour ce chien. Ce chien qui fait partie des animaux qui ont le moins de valeur. Subhanallah. Fahakadha. Yajibu alayna en Nakuna ruhama. Et donc, il nous est impératif de faire preuve de miséricorde entre nous, les êtres humains, mais aussi avec autres que les êtres humains, les animaux, al-bara'im. Faya ayyuhal muslimoun, la tabkhalu ala anfusikum, fa kulluna bihaja. Alors, ô musulmans, ne soyez pas avares envers vous-mêmes, car nous avons tous besoin de causes pour le pardon de nos péchés. أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. Et à l'opposé de cela, Al-Bukhari l'a cité dans son recueil, selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une femme fut châtiée à cause d'un chat qu'elle a enfermé, jusqu'à ce qu'il meure de faim. Et dans une autre version, fi riwayatin li muslim, udhibat imra'atin fi hirra lam tut'imha wa lam tatrukha tashrab wa lam tatrukha ta'kul min khashash al-ard. Dans une autre version de Muslim qui cite que le prophète il a dit, une femme a été châtiée à cause d'un chat qu'elle n'a pas nourri, elle ne lui a pas donné de nourriture, elle ne l'a pas laissé boire, et elle ne l'a pas laissé partir, se nourrir des insectes qui sont sur la terre. Même les insectes. Fa'udhibat. Alors elle fut châtiée à cause de cela. Fala yajuzu lana, ayyuha al-ikhwa, an nadhlima ahadan. Et donc, mes frères, il ne nous est pas permis de faire injustice à quiconque. Qu'il fasse partie des enfants d'Adam, des êtres humains, ou qu'il ne fasse pas partie des êtres humains. La yajuz lana. Cela ne nous est pas permis. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, inni harramtu dhulmi. على نفسي يا عبادي إني حرمت الظلم على الظلم على نفسي فلا تظلموا. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même, alors ne vous faites pas injustice, ne vous faites pas injustice. Tous les serviteurs, nous ne devons pas faire injustice. انظروا إلى جمال هذه الشريعة. Regardez la beauté de cette législation. Où allez-vous trouver une législation qui appelle à la miséricorde ainsi? Aina najidu hadha shari'atun tahuthu wa tadullu al-ibad ala rahmatin 'azima ka hadhihi. Regardez la beauté de cette religion. ثم هؤلاء الكذابون يصورون للناس أن هذه الشريعة شريعة إرهاب. Et ensuite les menteurs, ils vont faire croire aux gens que cette législation est une législation de terrorisme. Kadhib, un mensonge. Regardez la beauté de cette législation. Aina tajidun shari'atan tamna'u ar-rajul min an yaqula li abihi uff. Où allez-vous trouver une législation qui interdit à un homme de dire à son père? Où allez-vous trouver ça? Allez chercher dans les textes de loi. هذه في هذه هذه تجدوها تجدونها في هذه الشريعة التي تدل العباد على الرحمة والمحبة والعطف. Ce genre de choses, vous ne les trouvez que dans cette législation, cette belle législation qui appelle les serviteurs à l'amour, la miséricorde. Il appelle au sentiment entre eux. فلهذا نفرح ونشكر الله تبارك وتعالى بأن من علينا بهذه الشريعة وبهذا الدين. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette législation et cette religion. ونسأله أن يديم علينا هذه النعمة. Et nous lui demandons de continuer, de nous permettre de continuer dans ce bienfait. Il est certes capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفيكم بارك الله.